portée de la rue. Dans cette tour à portée de vue, je quitte le soir quand on s'allume. Tes fenêtres, moi j'attends. Je te regarde en ombre chinoise, caché derrière mes jumelles. Vole plus dans mon appartement. J'observe ta silhouette en noir et blanc. J'observe ta silhouette en noir et blanc. Sexy killer, sexy killer. Laisse-moi, laisse-moi. Sexy killer, sexy killer. Laisse-moi, laisse-moi. Tu passes de la cuisine au salon. Quand passeras-tu dans ta chambre? Un petit arrêt, tu disparais. La salle de bain te retient. J'attends caressant mes jumelles. Je tremble d'impatience. Mais pourquoi retournes-tu au salon? Encore ces programmes à la con qui me feront perdre patience. Qui me feront perdre patience. Sexy killer, sexy killer, laisse-moi poser les yeux sur toi. Sexy killer, sexy killer, laisse-moi poser les yeux sur toi. Déjà 2 heures que tu somnoles dans le salon, dans ton peignoir. Mes yeux rouges se ferment à te regarder ton canapé. Mais ta silhouette se relève et disparaît dans le couloir. Réapparaît dans ta chambre. Je vérifie ma mise au point. Je vérifie ma mise au point. Je vérifie ma mise au point. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Laisse-moi poser les yeux sur toi. Sexy killer, laisse-moi poser les mains sur toi. Tombe ton peignoir en blanc et noir. Ombre d'un corps sur halogène. Ton indécence me gêne. Sexy killer, sexy killer. Laisse-moi poser les yeux sur toi. Sexy killer, sexy killer. Laisse-moi poser les mains sur toi.